Afro Dynamique Production dans la place. Et maintenant, ceux qui ont trop parlé, tous ceux qui se foutent de notre gueule, de notre tête, on vient vous dire. Y'a trop de mythos dans le monde dans lequel je vis. Trop de vendus d'hypocrites et pas qu'à la TV. J'en ai marre, je crache tout parce que j'en ai envie. Ça fait trop longtemps que m'en prend pour un petit. Perdu dans la vie, mais vous vous prenez pour qui? Avec vos mauvaises langues de moi, vous vous dites ami. Allez chez vous tous que je traite de pourri. Car si d'un homme, juste vous vous êtes permis de parler dans le vent, bafouer la parole, ça suffit. À ce que votre renommée en bâtisse sa vie. Je ne parle pas seulement des flics qui un jour ont m'accueilli, mais de ces masques qui se prennent pour de vrais caïds ici. Organisateur, rappeur, chat, chauffeur, Insta Paris. Qui se prennent de hôtel des Paris, s'imagine ta vie. Parce que je porte pas de l'homme de casquette ou même de baggy. Que je suis pas black, que je vais gayer un petit gabarit. Non, ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. C'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, fallait pas trop parler. Mais c'est ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. C'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Regardez vos délires, la vérité vous croyez la détenir. Mais vous êtes vos paroles, je les enregistre et pire. Si ça fait mal, vous vous en foutez bien tous de la ressentir. Ça fait un bail que je vous regarde de là, on me tourne vers l'avenir. Je pardonne souvent, continue à vous prévenir et reste déçu. Mais rien à faire, vous prenez pour les meilleurs depuis le début. Alors tant pis, maintenant je prends la parole et vous balance mon cru. On dirait que du relax studio, c'est pas du chic et c'est du vécu. Tenant de salles de bar qui nous ont traités comme des glandus. Tous ceux qui nous ont traités de bons à rien, eh bien ils ont vu. Le mois fermé parce que en nous, en fait, ils n'ont pas cru. Les bobos bourgeois qui pensaient tout savoir et ont tout vu. Vous m'avez tous bien parlé, promis, la lune a cri de joie. Mais quand le jour est levé, vous vous souvenez même plus de moi. Des projets sérieux et sensés, on vous propose à chaque fois. Mais en fait, une fois passé, vous rigolez bien de tout ça. Jamais on n'est pas une réponse, le respect vous ne connaissez pas. Vous avez vos têtes, vous sélectionnez à la fashion. Et ça se voit tant que votre entourage est là pour vous sucer, alors ça va. Mais quand on vous critique comme un papa, alors bonjour les dégâts. Et vous les tchatcheurs, les chanteurs qui aimeraient me voir en bas. Soit disant Rasta d'Africa ou d'ailleurs Ekipuja. Soit disant au grand cœur, mais en fait n'en ayant pas pour moi. Vous ne faites aucun effort, en fait vous ne nous voyez pas. Ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. Mais c'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, fallait pas trop parler. Mais c'est ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. C'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. J'en ai même vu certains m'accuser de piquer leurs textes. En fait leur manège, leur menace n'était qu'un prétexte. Vous tapetez devant leurs potes, de m'écarter du reste. Alors que quand je cherchais leur voix, j'avais plus de 100 textes. Ça, ils ne le savent pas parce que je crie pas sur les toits. Que des grands frères sérieux m'avaient déjà mis sur la voie. Que mes mots venaient du cœur, décrivaient en bas de chez moi. Que j'étais timide au micro parce que je ne plaisantais pas. Et que le mot révolution revenait à chaque fois. À cette époque je ne pensais pas que la jalousie serait là. La musique c'est l'unité, le clash je n'y pensais pas. Moyen de s'exprimer, de faire des rencontres semblables. Je ne pensais pas aux esprits starlets qui défileraient devant moi. À force s'habituent, ils parlent, disparaissent après ça. Mais je viens faire le ménage pour les derniers qui ne lâchent pas. Qui bafoue le message, ce sont les vampires. Ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. Mais c'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, fallait pas trop parler. Mais c'est ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. C'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Je ne viens pas pour jouer. Mais c'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, fallait pas trop parler. Mais c'est ouh, ah, je ne viens pas pour jouer. C'est ouh, ah, mon flow vient vous scalper. Mais c'est ouh, ah, ragamuffin stylé. Mais c'est ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Original Don Valdez, Small Art Studio, Afro Dynamic Production.